Archi Radio. Archi donc. Archi cool. La radio du festival Archipel. Archi chouette. En direct. De 10h à midi. Archi nul. Sur Archipel. Archi fort. Archi gros. Point org. Oula. Bonjour Archi Radio. Bonjour. On rentre dans le deuxième week-end et dernier week-end du festival Archipel et donc aussi du Archi Radio. On a le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Thibaut Walter et Christian Indermühle. Je ne sais pas si je prononce correctement le nom. Bonjour. Bonjour. Bonjour. On va vous retrouver dans 20 minutes pour une discussion. En compagnie de Alain Berset, l'éditeur des éditions Héros Limites, qui pour sa part n'est pas encore arrivé, mais qui on ne espère, se cache pas, mais qui est en train d'arriver potentiellement. Voilà. Enfin, on espère. Alain, dépêche-toi s'il te plaît. Donc, on va commencer la journée avec toujours en capsule qui fait un petit résumé de les activités du festival du jour de hier. Qu'est-ce que hier, c'était une journée relativement calme. On n'a pas tout vu. Hein. Moi, j'ai vu le concert, performance, rituel de Ensemble Vortex et Ensemble Garage qui s'est déployé dans la grande salle où c'était vraiment un peu sous forme de rituel. Ils ont allumé un feu, ils ont chauffé des pierres et les ont ramenées à l'intérieur de la salle. Et avec ces pierres chaudes, des micros, ils rediffusaient les sons de l'évaporation de l'eau sur la pierre. Et ils utilisaient des petits instruments. C'était très, très silencieux et très, très relaxant. J'ai dû partir pour rejoindre mon lit après cette performance parce que ça a très, très bien fonctionné. Et aussi avec les odeurs, les senteurs. Et il y avait beaucoup, assez ouais. rare ouais. dans les salles de concert. Il y avait une grosse présence d'huile essentielle et du bruit du feu. Et moi, j'ai vécu la partie auscultation, de sculpter la voûte d'Olga Kokcharova, qu'on a vécu aussi avec Perrine et Simon, dont vous entendrez une partie dans la capsule. Mais c'est vrai que c'est une expérience assez exceptionnelle et j'invite vraiment toutes et tous qui écoutez maintenant attentivement, merci d'ailleurs de votre fidélité, de venir faire cette expérience qui est quand même incroyable de pouvoir entendre un instrument par le sol, par le bois, se coller aux instruments. Par le corps, ouais, c'est le corps. Ça, ouais. Ouais. Et les vibrations de la harpe par le plancher, c'est quelque chose d'assez fou. Ah oui. Et vous pouvez le faire encore aujourd'hui et demain, je pense, ou même dimanche. Hein. Dimanche, samedi. Ouais. On repassera le programme à la fin de l'émission. Bon, peut-être on écoute la capsule. Tout à fait, c'est parti. Vibration des talons, des mollets, du bas des reins, des omoplates, de l'arrière du crâne. Vibration légère au bout de l'annulaire droit et dans la pommette gauche. Thank you. vibration dans les deux mains. Vibration des plantes des pieds, des paumes des mains, du front et du bout du nez. Vibration de la main gauche en dessous et de la main droite au-dessus. Merci Perrine pour cette mise en situation. Je crois que c'était ton expérience avec le projet de Olga Kocharova, sculpter la voûte. Et puis, entre-temps, Alain Berset est arrivé. Donc, bonjour Alain. Bonjour. Voilà, on va vous faire un petit résumé de cette matinée qui commence. Et puis, on enchaînera avec une écoute de Vincent et Doris. Exactement. Donc, on a les invités, vous les avez découverts. On aura un documentaire fait aussi par Doris. Donc, je me permets, ce sera son premier documentaire qu'elle a réalisé de bout en bout seule. Donc, elle est rencontrée différentes personnes du festival pour les interviewer. Puis, elle a fait le montage. Hein, et donc, voilà, ça sera sa première création. Ok, bon, on l'écoutera dans la pause de notre discussion. Puis on aura le tout de sonique de Jérémy, qui cette fois il sera en déplacement depuis Lausanne. Non, il n'est pas allé si loin. À vision du réel. Nos objets sonores avec nos spécialistes du bruitage des vinyles. Et le partage d'écoute toujours avec Cahier et Poré de midi à 13h. Et on aura à 11h10 le jeu du son mystère. qu'on va déjà donner un aperçu maintenant. Donc, les auditeurs à la maison, ils peuvent participer à ce jeu en appelant le 078 244 57 54 à partir de 11h10 pour deviner le son mystère et gagner des places pour les concerts de ce soir au Festival Archipel. Donc, on peut peut-être l'écouter. Donc c'est un son mystère proposé aujourd'hui par Raphaël Racouya. Et donc on pourra entendre son explication à 11h10 et quelques après que tous nos auditeurs et toutes nos auditrices se soient rués sur leur téléphone pour nous faire des propositions. Préparez vos natelles.